jour après jour, je te dirai toujours qu'il arrive un jour où l'on se lasse toujours. Mais avec toi, je sais qu'il n'en est pas. Jour après jour, je dirai oh mon amour. Mais il arrive un jour où l'on se lasse toujours. Mais avec toi, je sais qu'il n'en est pas. Alors embrasse-moi, oublie un peu le jour où tu ne voudras plus de moi. Comme l'orage, comme les nuages, comme l'otage, c'est un mirage. Comme l'orage, comme les nuages, comme l'otage, c'est un mirage. Et dans mon cœur, il n'en est pas. Avec toi, je n'ai pas peur, pas besoin de croiser les doigts. Alors embrasse-moi, oublie un peu le jour où tu ne voudras plus de moi. Jour après jour, je te dirai toujours qu'il arrive un jour où l'on se lasse toujours. Mais avec toi, je sais qu'il n'en est pas. Jour après jour, je dirai oh mon amour. Comme l'orage, comme les nuages, comme l'otage, c'est un mirage. Comme l'orage, comme les nuages, comme l'otage, c'est un mirage. Mais il arrive un jour où l'on se lasse toujours. Mais avec toi, je sais qu'il n'en est pas. Alors embrasse-moi, oublie un peu le jour où tu ne voudras plus de moi pour toujours. Mais dans mon cœur, il n'en est pas. Avec toi, je n'ai pas peur, pas besoin de croiser les doigts. Alors embrasse-moi et oublie un peu le jour où tu ne voudras plus de moi quand tu te lasseras toujours. Comme l'orage, comme les nuages, comme l'otage, c'est un mirage. Comme l'orage, comme les nuages, comme l'otage, c'est un mirage.